وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. في الحديث يوتانتيك دونك سيمون مذهب دونك سيمون مذهب إذا صح الحديث فهو مذهبي. لا تقدم شخصا ولا نصا. إن كنت مستن فاستن بالذي قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سميع يسمع الأصوات باختلاف اللغات على تفاني الحاجات، رب الأراضين والسماوات، غفور عفو غفار لا يزل ولا يزل بعفوه معروفا وبالصفح عن عباده موصوفا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. شيخ أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On continue inshallah azza wa jal notre quatrième cours, quatrième partie, fi al-ilm, fadl al-ilm wa ahamiyat talab al-ilm bi-idhnillahi azza wa jal. Donc on va continuer ce cours sur l'importance des faveurs, sur le bon comportement à tenir lorsqu'on demande la science, tout en regardant dans les dires du prophète alayhi salatu wassalam, les versets et les dires des pieux prédécesseurs. Bi-idhnillah. قال رجل لرسول الله عليه الصلاة والسلام والله يا رسول الله إني أحبك والله يا رسول الله إني أحبك فقاله رسول الله عليه الصلاة والسلام إن البلايا أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. وهذا الحديث أخرجه ابن حبان والصحابي الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 1586. فهذا الحديث البروفيت عليه الصلاة والسلام يون بيرسون كي فيني لو فوار يلو اجي او بروفيت جو تيم اون الله او بروفيت جو تيم اون الله. Le prophète lui a répondu, par quoi ? Il lui a dit, si tu m'aimes, dis-toi que les épreuves vont t'arriver d'une vitesse plus rapide que l'eau qui descend de la montagne. Tu vas faire face à des épreuves qui vont t'arriver plus vite que la descente de l'eau d'une montagne. Donc, dans ce hadith, le prophète sallam, il lui dit quoi ? Il lui dit « خذ حذرك واستعداداتك في تقبل البلاء إن كنت صادقا بهذا المعنى. » Il lui dit en quelque sorte, yani, prends, mets-toi en garde et prépare-toi à ce qui t'arrive des épreuves si tu es vraiment véridique dans ce que tu dis. Si tu aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-toi qu'il va t'arriver des épreuves. Et comme il dit dans un autre hadith, le prophète alayhi wa sallam, il a dit « Men yuridillahu bihi khayran yusib minhu. Men yuridillahu bihi khayran yusib minhu. » Donc celui dont Allah veut du bien, il l'éprouve. Celui dont Allah veut du bien, il l'éprouve. Donc, le prophète alayhi wa sallam a dit à cette personne comme quoi si cette personne était véridique, était sincère dans ce qu'elle disait, c'est qu'il allait lui arriver des épreuves dans sa vie. Et donc, Gilles Sahaba radiallahu anhum, varabou lana arwa الأمثال في طلب العلم وفي صدقهم dans leur véracité dans le fait de demander la science وزكاهم الله عز وجل في كتابه زكاهم الله عز وجل في كتابه حينما قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا في سورة الفتح برقم 18 الله عز وجل أجي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة إذ يتون نمو دو 1400 il est satisfait des croyants lorsqu'ils ont fait le pacte avec toi en dessous de Shajar, en dessous de l'arbre. Fa'alima ma fi qulubihim, et Allah Azza wa Jal a su ce qu'ils avaient dans leur cœur. Fa'anzala as-sakinata 'alayhim wa athabahum fathan qariba. Donc il leur a promis un fath qarib. Le prophète alayhi salatu wa salam dans le hadith sahih alladhi yarwihi ash-shaykhain Muslim wa al-Bukhari قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يعني البخوفات عليه الصلاة والسلام عادي la meilleure les meilleurs gens sont ceux de mon époque c'est-à-dire qui des الصحابة المهاجرين والأنصار الصحابة هم خير الناس c'est les meilleurs être c'est les meilleurs personne qui puisse avoir sur terre après les prophètes. Khayrun nas qarni. Les meilleurs gens sont ceux de mon époque. Toujours riwaya ukhra ou riwaya da'ifa. Khayrul qurun, هذه riwaya da'ifa, c'est à la faible chaîne d'authenticité. Khayrul qurun qarni. Amma ar-riwaya sahiha khayrun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Donc le prophète sallam nous a montré comme quoi c'est la meilleure des époques. Que As-Sahaba, c'était la meilleure des époques. Donc notre chemin c'est quoi? C'est prendre les paroles d'Allah Azzawajal et les paroles du prophète alayhi salatu wassalam et les paroles des Sahaba wa Tabi'i, des plus prédécesseurs. Wa qala Allah Azzawajal fi ayatin ukhra ما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة الله عز وجل دي par rapport à ceux qui vont qui se retournent et qui dévient et qui veulent pas écouter al-mu'ida et qui veulent pas écouter le rappel Allah عز وجل دي ما لهم عن التذكرة معرضين pourquoi ils se détournent du rappel d'Allah عز وجل كأنهم حمر comme s'ils étaient des bêtes sauvages. Humur hiya al-humur al-wahshiya. Ka'annahum humur. Mustanfara. Mustanfara qui a pris la fuite. Humur mustanfara farrat min qaswara. Qaswara c'est quoi? En arabe, c'est le lion. Donc ceux qui vont à l'encontre, et ceux qui se détournent, et ceux qui tournent le dos au rappel d'Allah Azza wa Jal, et qui n'écoutent pas les ordres d'Allah Azza wa Jal, et qui n'applique pas les ordres du prophète et les enseignements du prophète Allah Azza wa Jal il les a comparés à quoi? À des humur, à des sortes de zèbres. Mustanfara qui a pris la fuite. Elle a vu le lion. Le lion c'est qui ici? C'est le savant. Ici le lion, Allah a comparé le lion par le savant. Et Allah Azza wa Jal dans le Coran donne une description pour nous rapprocher de l'idée. Donc il y a une idée, il y a une description, et Allah Azza wa Jalla nous fait cette description. Comme Allah Azza wa Jalla a dit dans un autre verset, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Et ces exemples, Allah Azza wa Jal a dit, on traduit, Allah Azza wa Jal a dit, وتلك الأمثال. Et ces exemples, on les donne aux gens, on les donne comme exemple, ces exemples, on les donne aux gens. Il n'y a que ceux qui sont doués d'intelligence qui peuvent la comprendre ou qui peuvent les comprendre, qui peuvent comprendre ces exemples. Donc c'est pour ça que certains salafs, ils pleuraient quand ils entendaient un message dans le Coran, quand ils entendaient une description d'une situation et qu'ils n'arrivaient pas à la comprendre, ils pleuraient. Et on leur demandait pourquoi tu pleures, pourquoi tu pleures. Quand on demandait à ce sahabi, pourquoi tu pleures? Et il dit parce que Allah Azza wa Jalla dit, et ces exemples, on les décrit pour ceux qui sont doués de science. Pour ceux qui sont doués de science. Et moi, je comprends pas l'exemple. Donc, je suis pas doué de science. Donc, il pleurait. Donc, Allah Azza wa Jalla, pour revenir à l'aïa, Allah Azza wa Jalla a dit, مَا لَهُمْ عَنِ تَذْكِرَةِ مُعْرِدٍ كَأَنَّهُمْ حُمُرْ مُسْتَنْفَرَ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَ وَالْقَسْوَرَ هي الأسد. وفي سورة الجمعة مثل الذي يحمل القرآن ولا يعمل به مثله بماذا؟ مثله بالحمار. مثله بالحمار. Et un autre exemple dans سورة الجمعة, Allah عز وجل a décrit celui qui porte des livres et qui travaille et qui ne met pas en action et qui œuvre pas. Il l'a décrit comme quoi? Comme un âne. Celui qui a des livres, celui qui connaît. Allah Azza wa Jal. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يعني il porte comme le chimar. Il porte sur son dos des choses. C'est lourd, mais il ne sait pas ce qu'il y a sur son dos. Donc, c'est pareil, ceux qui apprennent la science, mais qui ne la mettent pas en pratique, ben c'est leur exemple, c'est l'exemple d'un âne. Ils portent le savoir, et ces gens-là portent la science en eux, mais ils la pratiquent, ils ne la mettent pas en pratique. Donc, Allah Azza wa Jal nous a montré, nous a donné des exemples. Il nous a montré comme quoi ceux qui tournent le dos au rappel, c'est comme des herbes. Ceux qui portent la science en eux, c'est comme quoi, leur exemple, c'est comme des ânes. Et subhanallah, Hassan al-Basri, rahmatullahi alayhi, nous dit, يقول, كان الرجل فيما مضى, إذا طلب العلم, إذا طلب العلم, لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وبصره ولسانه ويده وصلاته وزهده. Hassan al-Basri nous dit, il y avait l'homme à leur époque, à l'époque des salafs, quand ils demandaient la science, à partir du moment où ils commencent à demander la science et à connaître les hadiths du prophète, ça avait un impact sur sa concentration dans la prière, sur sa prière, sur sa vue, sur son regard, comme la façon dont il regardait autour de lui, sur sa façon de parler, sur sa façon de bouger. Donc, ça avait un impact. La science avait un impact sur sa vie et sur son corps, sur sa façon de parler, sur son comportement, sur son adab, sur son corps, sur sa vie quotidienne. Et cela fait dire que tu n'arriveras jamais à atteindre un niveau de science jusqu'à que tu prennes la science par ceux qui sont à ton niveau et par ceux qui sont au-dessus de toi et par ceux qui sont en dessous de toi. Donc tu n'arriveras pas à prendre la science jusqu'à que tu prennes de ceux qui ont le même niveau que toi et de ceux qui ont un niveau plus haut que toi et de ceux qui ont un niveau plus bas que toi. Wa kana alayhi salatu wa salam fi du'a'ihi yaqul Allahumma anfa'ni bima 'allamtani وعلمني بما ينفعني وزدني علما. Il disait quoi? Le prophète صلى الله عليه وسلم disait Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ce que j'ai appris, fait en sorte que ça me serve. Ce que j'ai appris, fait en sorte que ça me serve. Et rajoute, et donne-moi des choses, et apprends-moi des choses qui me servent. Et apprends-moi des choses qui me servent. Et rajoute-moi plus de science. Et rajoute-moi plus de science. حديث رواه الترمذي وأحمد في مستدركه. وقال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه الترمذي وغيره قال عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. والشاهد عندنا العلم. بخوفه عليه الصلاة والسلام جي يعني ابن آدم في الزدان il ne posera pas le premier pied يوم القيامة le jour de la résurrection jusqu'à qu'on lui pose la question sur quatre choses. La première sur sa vie, dans quoi il l'a passé. Puis on lui pose la deuxième question sur quoi? Sur sa jeunesse, dans quoi il l'a passé. La troisième chose sur son argent, d'où il l'a eu et dans quoi il l'a gaspillé, dans quoi il l'a mis. Et la quatrième chose qu'Allah Azzawajal va demander au fils d'Adam, c'est quoi? An ilmihi madha amila fi. Sa science, il a fait quoi de sa science? T'as pris comme quoi la prière était une obligation. Est-ce que tu pries? Donc ça sert à quoi d'apprendre des choses que tu ne mets pas en pratique? Wa qala Abdullah ibn Mubarak rahmatullahi alayh man tahawana, yani yujil waqi'ana al-yawm. Il nous parle, yani comment on apprend l'adab, comment on apprend le sunan, et comment on apprend le fara'id, et comment on apprend al-ma'rifa. Et il nous dit, celui qui néglige l'adab, celui qui néglige le bon comportement, Allah le punit par perdre le sunan. Et celui qui néglige le sunan, Allah le punit par perdre le fara'id, par perdre les obligations. Celui qui néglige le sunan, Allah le punit par quoi? Par perdre al-fara'id. Et celui qui néglige al-fara'id, Allah Azza wa Jal le punit par perdre al-ma'rifa, par perdre la connaissance, par perdre la science, en quelque sorte. Celui qui néglige le bon comportement, al-akhlaq, al-adab, celui qui néglige le bon comportement, Allah le punit par perdre le sunan. Et celui qui néglige le sunan, Allah, c'est facile à apprendre. Et celui qui néglige le sunan, Allah le punit par perdre des obligations. Al-fara'id. Et celui qui néglige al-fara'id, Allah le punit par perdre quoi? Par perdre al-ma'rifa. Par perdre al-ma'rifa. Wa qala Abdullah ibn Mubarak, rahmatullahi alayh, nahnu ila kathirin min al-adab ahwaj minna ila kathirin min al-hadith. Il dit on a plus besoin du bon comportement que de beaucoup de hadiths. On a plus besoin de bon comportement que de science, que de beaucoup de hadiths. وقال سفيان الثوري رحمة الله عليه كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث تأدب وتعبد قبل ذلك 20 سنة. Soufiane Thawri dit, l'homme, s'il voulait écrire le hadith, et s'il voulait se lancer dans l'ilm al-hadith, il travaillait son bon comportement et il adorait Allah Azza wa Jal avant ça, combien de temps? 20 ans, s'il voulait commencer. Donc il travaillait son comportement et il adorait Allah Azza wa Jal, il apprenait à adorer Allah Azza wa Jal, il adorait Allah Azza wa Jal 20 ans. Voilà, subhanallah, nous allons voir comment ils étaient face aux versets, face aux hadiths, face aux ordres du prophète et aux ordres d'Allah Azza wa Jal. Comment ils étaient? Hadith Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu arda, nous dit, il dit, kunna idha hafidna 10 ayat min kitabillahi, la natajawazhunna hatta na'lama ma fihinna wa na'mala bihin. كنا إذا حفظنا 10 آيات 10 آيات يجي si on apprenait 10 versets du Coran, on les dépassait pas jusqu'à qu'on sache leur signification et qu'on les mette en pratique. Et qu'on les mette en pratique. 10 ayat. Nous aujourd'hui, on apprend le Coran, on apprend des versets, on sait même pas c'est quoi leur signification. On sait même pas leur signification. Et il dit dans une autre parole, radiallahu anhu ou arda, Wallah, alladhi la ilaha ghayruh, ma unzilat suratun min kitabillahi, illa ana a'lamu ayna nuzilat, wala ayatun, illa ana a'lamu fiman unzilat, ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. Il dit, رضي الله عنه, il n'y a pas une sourate qui est descendue sans que je sache où elle est descendue. Il n'y a pas un verset qui est descendu sans que je sache sur qui est la cause pour laquelle il est descendu. Et si je connais quelqu'un qui a plus de science sur le livre d'Allah Azza wa Jal, et que l'ibil, les chameaux l'atteignent, je serai prêt à prendre ce chameau et aller le voir. Donc, ils n'avaient pas, subhanallah, هذا ibn Mas'ud, رضي الله عنه, وارضاه. وقال جابر بن عبد الله, قال, هذا جابر بن عبد الله رحل من المدينة إلى مصر, من المدينة إلى مصر مسيرة شهر, على رحل من المدينة إلى مصر مسيرة شهر على البعير من أجل سماع حديث واحد خاف أن يموت ولم يسمعه. وهذا الأثر رواه أحمد والبخاري والحاكم. مسيرة شهر على الإبل من المدينة إلى مصر. Il a pris, et ça c'est Jabir ibn Abdillah, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voyagé de Médine jusqu'en Égypte pendant un mois sur un âne. Pourquoi? Pour écouter un hadith par peur de mourir et de ne pas l'entendre. Regardez cette envie. La haute, ils ont mis la barre haute. Ils ont mis la barre haute, sincèrement. Sahaba radiallahu anhu. Wa hadha Abu Sufyan. Abu Sufyan. Hadha tilmid Abu Hanifa. Hadha tilmid Abu Hanifa. Mata lahu walad fa'amara bimada biman yatawalla dafna waladih. Wa lam yada' majlis Abi Hanifa khawfan an yafutahu yawma. Hadha Abu Yusuf. Ça c'est l'élève de Abu Hanifa. Son fils mourut. Et donc, il a ordonné à quelqu'un de prendre en charge son cortège funèbre et l'enterrement. Il a ordonné quelqu'un de prendre, de s'en charger, par peur et d'aller assister au cours de Abu Hanifa, par peur de perdre un cours. Donc, par peur qu'il n'assiste pas au cours de Abu Hanifa dans Dars. Subhanallah. Son fils est mort. Il avait peur de manquer un cours de science. Donc, nous avons vu, subhanallah, les salafs comment ils étaient, à quoi le قول عبد الله بن عمر, قال ابن مسعود, وقول وحالة جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأبي يوسف. وهذا الخطيب البغدادي, ماذا فعل؟ كتب كتابا عنوانه الرحلة في طلب الحديث. الخطيب البغدادي إلى إكسان ليفر dont le titre c'est quoi? C'est le voyage pour la demande de science. Le voyage pour la demande du hadith. Et donc il a rapporté dans ce livre, il a rapporté quoi? Il a rapporté toutes les personnes qui voyageaient seules pour demander la science. Donc je vous conseille de revoir ce livre et de voir les salaf, comment ils étaient dans la demande de science. Kada yani ar-rihlatu fi talab al-hadith. Fi al-Khatib al-Baghdadi. Wa hada Ibn Mas'ud. Wa hada al-athar alladhi sanadhkuruh. Qawl Ibn Mas'ud wal-kathir yansibuhu ila Rasulillah alayhi salatu wassalam. Wa hada Ibn Mas'ud yaqul man humaan la yashba'an. Man humaan la yashba'an. Talib al-hadith wa talib dunya. Talib al-hadith wa talib dunya. Yani Ibn Mas'ud dit, il y a deux personnes qui auront jamais, auront toujours envie d'en avoir plus. Auront toujours envie d'en avoir plus. C'est quoi ces deux personnes? C'est celui qui demande la science et celui qui demande la dunya. Donc ces deux personnes auront toujours envie d'avoir plus. Donc si celui qui demande le hadith, il a vraiment cette sincérité, cette véracité dans sa demande, il aura toujours envie d'avoir plus de science. Et celui qui court après le dunya et qui a une voiture, donc il aura toujours envie d'avoir deux voitures. S'il a une maison, donc il aura toujours envie d'avoir deux maisons. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans un hadith, لو كان لابن آدم واديا من ذهب لأراد أن يكون له واديا. Le prophète alayhi salatu wassalam dans un autre hadith dit, et ici, le fils d'Adam avait un fleuve, une rivière en or qui passe devant lui, il aurait voulu en avoir une deuxième rivière. Il a une rivière en or qui passe devant chez lui, et il veut encore avoir une autre rivière. Donc les gens qui demandent la dunya auront toujours envie d'avoir plus. S'ils aiment, si l'amour de dunya rentre dans leur cœur, donc ils voudront toujours, ils auront toujours envie d'avoir plus. والشافعي يضرب لنا مثلا في الأدب. الشافعي وهو الذي قال سميت في بغداد ناصر السنة. سميت في بغداد ناصر السنة. Il dit, on m'a appelé à Bagdad le ناصر السنة, يعني celui qui triomphe, le triompheur de la sunna. Il était appelé le triompheur de la sunna. Il dit quoi? Il dit kuntu atasaffahu alwaraqa bayna yaday imam malik tasaffuhan raqiqa. Kuntu atasaffahu alwaraqata bayna yaday imam malik tasaffuhan raqiqa. يعني في المجلس, في مجلس العلم, هيبة لألا يسمع وقعها. كان Il faisait quoi? Il disait, l'imam Shafi'i, rahmatullahi alayhi, il disait, lorsque j'étais dans une assise avec Malik, je tournais les pages avec délicatesse, pour pas que Malik entende son retournement. Je tournais la page avec délicatesse, pour pas qu'il entende son retournement. Subhanallah, ils avaient ce respect. Ils avaient ce respect par rapport au shuyukh. Par rapport au shuyukh. Et il y a Malik, rahmatullahi alayhi, il dit, il est du devoir de celui qui demande la science, il est du devoir de celui qui demande de la science, qu'il soit sur lui un état de sakina, et un état de waqar. Il y a un état de khashya. Wa yakuna muttabi'an li athari man mada qablahu. Imam Malik dit, il est d'une obligation pour celui qui demande la science qu'il y ait sur lui un calme, qu'il y ait sur lui une khashya, une crainte, qu'on voit sur lui une crainte, qu'il y ait sur lui un waqar, qu'il soit d'un bon comportement, qu'il soit humble dans son état, dans sa façon de parler, de marcher, de discuter, de regarder. Il faut qu'il soit humble et sage. Il est du devoir de celui qui demande la science qu'il soit sage, qu'on voit sur lui un état de crainte, et qu'il suive les traces de ceux qui l'ont précédé. والإمام الأوزاعي montre aussi qu'on nous donne l'exemple, nous donne le remède et nous donne le bon conseil pour suivre la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam et pour suivre le salaf salih. Il nous dit l'imam Awza'i, عليك بآثار من السلف ولو رفضك الناس عليك بالآثار من السلف ولو رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول عليك بآثار من السلف ولو رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول يوم زاوجي جتوكونسي يعني عليك tu dois suivre les traces des pieux prédécesseurs, même si les gens te refusent. Et attention aux avis des gens. Et attention aux avis des hommes. Même si ils te l'embellissent par les paroles. Une personne t'embellit ses paroles, ne l'écoute pas. Sauf, mis à part si elle vient avec deux témoins. Ces deux témoins, c'est quoi? Al-Kitab ou Sunna. Al-Kitab ou Sunna. C'est notre deux témoins. Donc, comme Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, ja'ahu rajulun wa qala lahu awsini. Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il y a une personne qui est venue le voir, elle lui a dit, conseille-moi, donne-moi un conseil. Qu'est-ce qu'il a dit, Ibn Mas'ud, radiallahu anhu? Qal, zil ma al-Qur'ani haytu zal. ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا ومن جاءك بالباطل فاردده عليه وإن كان قريبا حبيبا. سبحان الله, كلام من ذهب. يعني personne qui est venu voir Ibn Mas'ud, elle lui a demandé, conseille-moi, donne-moi un conseil. Ibn Mas'ud lui dit, tourne-toi là où le Coran se tourne. Et celui qui te vient avec la vérité, accepte-la, même s'il est loin de toi, et qui t'est détestable. Et celui qui te vient avec le batel, retourne, ne l'accepte pas, même s'il est proche de toi et même s'il est un bien-aimé pour toi. Donc une personne qui te vient avec le batel, ne l'accepte pas. Comme Allah Azza wa Jalla a dit dans un verset, la tajid qawman yu'minuna billahi wal yawm al-akhir wa yaduna man hadd Allah wa law kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum. Allah Azza wa Jalla dit dans un verset, tu trouves pas des gens qui croient en Allah et au jour dernier, ils vont à l'alliance de ceux qui vont à l'encontre d'Allah Azza wa Jal, même s'ils sont leur père, leur fils, leur fils, leur frère. Ou leurs proches. Et ce verset est descendu sur Ali radiallahu anhu, sur Hamza, sur Abu Ubayd ibn al-Jarrah qui voulait tuer là où il voulait tuer son père, donc sur des sahabas qui voulaient tuer leurs proches, par quoi? Parce qu'ils sont allés à l'encontre d'Allah Azza wa Jal. Donc nous, on ne va pas s'allier à des gens qui vont à l'encontre des ordres d'Allah et de son prophète alayhi salatu wa salam. Wa qala Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا ولا تبتدعوا لقد كفيتم. يعني suivez et arrêtez d'innover. Suivez et arrêtez d'innover. Vous avez donné suffisamment de preuves. Donc suivez. On a tellement de preuves, donc notre rôle, c'est quoi? C'est suivre ces enseignements. Imam Malik, Allah, nous montrait aussi comment il respectait les hadiths du prophète, alayhi salatu wa salam. comment il respectait les versets d'Allah, comment il respectait les versets d'Allah Azza wa Jal. Comme Allah Azza wa Jal a dit dans un verset, Ya ayyuha alladhina amanu, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Oh, vous qui avez cru, ne faites pas avancer des choses, ou ne mettez pas en avant des choses ou des paroles devant celles du prophète alayhi salatu wassalam. La tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih. Ahl-ilm on dit sur cette sourate, la tuqaddim shakhsan wa la nassa. Ne fait pas avancer une personne ni un texte par rapport aux dires et aux enseignements du prophète alayhi salatu wassalam. Et Allah Azza wa Jal a dit dans un autre verset, Ya ayyuha alladhina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Ya ayyuha alladhina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi, wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la ta'lamun. Donc, Ibn Qayyim alaq ala hadhihi al-aya, ce verset montre comme quoi on ne fait pas avancer et on ne met pas en avant notre instinct, notre avis, nos pensées sur les dires du prophète alayhi salatu wassalam. Et même l'imam Shafi'i rahmatullahi alayh, il dit Ida sahha al-hadith fa huwa madhhabi. Ida sahha al-hadith fa huwa madhhabi. Si le hadith est authentique, donc c'est mon madhhab. Donc c'est mon madhhab. Et c'est aussi le dire de Abu Hanifa rahmatullahi alayh, il a la même chose. Il dit la même chose, إذا صح الحديث فهو مذهبي. ويقول مالك رحمة الله عليه يقول الشافعي يقول مالك جاء رجل إلى سعيد بن مسيب ابن مسيب فسأله عن حديث وهو مضطجع فجلس وحدثه فقال له الرجل وددت أنك لم تتعنى فقال إني كرهت أن أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. Regardez le comportement qu'ils avaient, l'adab qu'ils avaient avec les hadiths du prophète عليه الصلاة والسلام. Regardez l'adab qu'ils avaient avec les hadiths du prophète عليه الصلاة والسلام. On a vu que Malik, rahmatullahi alayh, quand il voulait parler ou rapporter un hadith du prophète عليه الصلاة والسلام, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait les plus beaux habits, il mettait du parfum, il faisait ses ablutions et donc il se tenait correctement. Et ensuite, il faisait quoi? Pour juste rapporter les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Vous imaginez? Donc, l'histoire de que Malik lui-même nous rapporte, il dit qu'il y a une personne, elle est venue voir Saïd ibn Musayyib. Elle s'est assise avec lui et elle lui a demandé de lui rapporter des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Saïd, à ce moment-là, il était quoi? Il était allongé. Donc, il s'est mis assis pour rapporter des hadiths. Donc cette personne a dit, bon, cette personne a dit, j'ai pas voulu te déranger. Pourquoi tu pouvais rester allongé? Il m'a rapporté les hadiths. Qu'est-ce qu'il a dit Saïd ibn Musayyib? Il a dit, je déteste rapporter du hadith alayhi salatu wassalam alors que je suis allongé. Je déteste rapporter des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam alors que je suis allongé. Regardez le respect qu'ils avaient par rapport au hadith du prophète alayhi salatu wassalam. والشافعي رحمة الله عليه يقول أجمع المسلمون أجمع المسلمون على أنه من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يتركها لقول أحد. الشافعي جي il est à l'unanimité il y a une unanimité que les musulmans se sont mis d'accord sur quoi? Sur le fait que le musulman, une fois que on lui a montré une sunna du prophète alayhi salatu wassalam, il lui est interdit de la laisser pour la parole d'une autre personne. Il t'est interdit, une fois qu'on t'a rapporté une sunna du prophète alayhi salatu wassalam, de la laisser pour une parole d'une autre personne. Tu ne dois pas la laisser pour le dire d'un tel et du cheikh Foulain ou du cheikh Foulain. Si il y a le hadith qui est là, donc tu regardes pas les dires des autres. Donc tu mets en pratique avec le fahm sahih. Tu mets en pratique ce verset. Comme Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il disait, il rapportait à des compagnons, il leur disait, ouais, le prophète, il leur a rapporté un hadith du prophète, et ces gens-là disaient, ouais, mais Abu Bakr a dit, mais Omar ibn Khattab a dit, et ils commençaient à rapporter des dires des autres sahaba. Donc, Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, s'est énervé, il leur a dit, je vous rapporte un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, et vous me dites, ouais, qala Abu Bakr, qala Umar. Il a dit, ouais, je vous rapporte un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, et vous me dites que Omar a dit et Abu Bakr a dit, tout ce qu'on a dit, alaykum al-hijara. Donc, il a dit, ouais, il est proche que des pierres tombent sur vous. Je vous rapporte des paroles du prophète alayhi salatu wassalam, et vous me rapportez des paroles d'Abu Bakr et de Omar. وهذا عمر بن حسين رضي الله عنه كان يحث قال يوما من الأيام إلى غابورتين الحديث بخوفات عليه الصلاة والسلام إلى جي قال عليه الصلاة والسلام الحياء كله خير أو في رواية الحياء لا يأتي إلا بخير إلى جي بخوفات عليه الصلاة والسلام أجي la pudeur ne peut rapporter que du bien ou la pudeur n'est que du bien. Une personne, il a dit, ouais, mais dans des livres, on lit que la pudeur, c'est telle chose, et la pudeur, c'est telle chose, et la pudeur, c'est telle chose. Donc, Imam ibn Hussein, ghadaban shadida, il s'est énervé, wa hamarra wajhu. Et il s'est énervé, et ses yeux sont devenus rouges, et il s'est retourné envers cette personne. Il lui a dit, je te dis que le prophète alayhi salatu wassalam a rapporté ce hadith, nous a dit ce hadith, et toi tu me parles de tes livres? Et toi tu me parles de tes livres? وهذا أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يوم من الأيام كان يحدث ويحث على النكاح والتعدد فقال له رجل ولكن إبراهيم بن أدهم قال وكذا قال وكذا قال قال أنا أحدثك قال أنا أحدثكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تتكلمون ببنيات الطريق. Il aura dit, un jour Imam Ahmed rapportait il incitait à la polygamie, il incitait au fait de se marier avec plusieurs femmes, il incitait au mariage et tout. Une personne lui a dit, ouais, mais Ibrahim ibn Adham, il a dit, et un tel a dit sur le mariage, et un tel a dit. Il leur a dit, moi je vous parle, je vous rapporte des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, et vous me rapportez quoi? Des bunayat tariq. Il a donné cet exemple. Il leur a dit, moi je vous parle d'un chemin, d'une route, et vous me parlez des murs qui sont au bord de cette route. Ça y est, moi je te montre le chemin, je te montre la route. Donc ne me parle pas des murs qu'il y a au bord de cette route. Quoi, quel homme في الحث على اتباع السنة كثير والأذلة كثيرة. وإمام أحمد أيضا هو يقول إذا لا تقلدني لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا شافعيا ولا ثوريا ولا الأوزاعي ولا وخذ من حيث أخذوا خذ من حيث أخذوا. يجي إمام أحمد نمغوكو بيبا et ne recopie pas Malik, et ne recopie pas Ahmed, et ne recopie pas Shafi'i, ne recopie pas l'Awza'i, ne recopie pas Thawri, et prends d'où ils ont pris. Comme Ibn Mas'ud, rahmatullahi alayhi, a dit, « Nkun ta mustan, fastan billadhi qad mat, fa inna al-hayya la tu'manu alayhi al-fitna. » Nkun ta mustan, فاستن بالذي قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. Donc si tu dois prendre de ceux qui sont morts, car ceux qui sont vivants, on n'est pas à l'abri qu'ils soient éprouvés. On n'est pas à l'abri qu'ils soient éprouvés. هذا كلامهم. وقال الله عز وجل وخير الكلام كلام الله. قال الله عز وجل أفمن يعلم لنرجع إلى العلم تكلمنا في اتباع السنة، وتكلمنا في الآداب، وتكلمنا في منزلة العلماء ومنزلة الجهال. وقال الله عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الله عز وجل دي: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. Est-ce que celui qui sait les versets qui ont été descendus comme quoi c'est la vérité, est-ce que son exemple est comme celui qui est aveugle? Certes, ceux qui ont un cerveau se rappellent. قال ابن القيم رحمه الله عليه تعليقا على هذا على على هذه الآية: جعل سبحانه وتعالى أهل الجهل بمنزلة العميان. جعل الله سبحانه وتعالى أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون، فما ثم إلا عالم أو أعمى. وقد وصف سبحانه أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي في غير موضع من كتابه سبحانه. البقيم دي الله عز وجل أغنجي لزينيوران comme des aveugles. Ils ne voient pas. Allah Azza wa Jalla a rendu les ignorants comme des aveugles, comme s'ils étaient aveugles, ils ne voient pas. Donc il dit il y a soit un savant, soit un aveugle. Il n'y a pas une troisième catégorie. Donc soit il y a un savant, soit il y a un aveugle. Et Allah Azza wa Jalla les a décrits, Allah Azza wa Jalla a décrit les ignorants dans plusieurs endroits, comme quoi ils étaient quoi? Ils étaient sombres, ils n'entendaient pas, beaucoup, ils ne parlaient pas, ils ne voyaient pas, dans plusieurs endroits de son livre, subhanahu wa ta'ala. Donc, al-ilmu yusahihu al-amal. Al-ilmu yusahihu al-amal wa yusawibuhu. Al-ilmu yusahihu al-amal wa yusawibuhu. Donc, la science, c'est, on avait vu, c'est une condition sur l'acceptation des actes. La science est une condition dans l'acceptation des actes. Et c'est la science qui rend l'acte acceptable. Comme Allah Azza wa Jal a dit, في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. Mais c'est celui qui a créé la mort, et Allah Azza wa Jal dit dans Surat al-Mulk, c'est celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver, pour voir qui va œuvrer le mieux d'entre vous. Qui va œuvrer le mieux d'entre vous. Certes, Allah wa huwa al-aziz al-ghafur. Qal Fudayl ibn Iyad, akhlasuhu wa aswabuhu. Yani c'est celui qui a dit sincèrement et bien comme il faut. Ils ont dit: Ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabu. Ça veut dire quoi? Parfaitement, et sincèrement et comme il faut. Ça veut dire quoi? Il leur a dit: Idha kana al-amalu khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Idha kana al-amalu khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Wa idha kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. الإخلاص أن يكون لله عز وجل، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc il a dit, Fudayl ibn Iyad a dit sincèrement, quand ils ont lu le verset, il a dit ouais, sincèrement et bien comme il faut. Et il a dit, ils ont dit c'est quoi, ça veut dire quoi sincèrement et bien comme il faut. Il a dit sincèrement, il a dit si l'acte est sincère et n'est pas fait selon, il n'est pas fait comme il faut, il ne sera pas accepté. Et s'il est fait comme il faut et qu'il n'est pas sincère pour Allah Azza wa Jal, il n'est pas accepté. Il a dit la sincérité, c'est qu'il soit pour Allah sincèrement, c'est qu'il soit fait pour Allah Azza wa Jal, avec sincérité, avec ikhlas. Wa sawab, et bien comme il faut, c'est qu'il soit fait selon la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Ce qui soit fait selon la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Donc chaque acte qu'on fait, on doit voir s'il y a ces deux conditions. Donc chaque acte d'adoration qu'on fait, il doit être fait selon la sincérité, il doit être fait avec sincérité, et il doit être fait selon la sunna du prophète alayhi salatu wa salam. Donc l'acte, donc la demande de science, c'est une adoration. Talabul ilmi, ibada. Wal ibada, la budda laha min shartain, al-ikhlas wal mutaba'a. Al-ikhlas wal mutaba'a. وقال ابن تيمية رحمة الله عليه هذا شأن ابن تيمية وهذا الذي قال فيه الخطيب البغدادي عقله علمه أكبر من عقله قال علمه أكبر من عقله الخطيب البغدادي il a dit par rapport à ابن تيمية il a dit sa science est plus grande que son cerveau sa science est plus grande que son cerveau رحمة الله عليه هذا ابن تيمية qu'est-ce qu'il faisait il allait le soir devant une mosquée il y avait personne il prenait du sable il le mettait sur son visage et il disait Allahumma ya muallim Ibrahim allimni Allahumma ya mufahhim Sulaiman fahimni يعني ابن تيمية رحمه الله عليه il allait dans une mosquée le soir la nuit il y avait personne il prenait du sable il le mettait sur son visage et il disait oh Allah, toi qui as appris à Ibrahim, apprends-moi, donne-moi de la science. Toi qui as donné de la science à Ibrahim, donne-moi de la science. Toi qui as fait comprendre à Sulaiman, fais-moi comprendre. Donc, la science, dans la science, c'est une science que tu peux y arriver. Grâce à ton ijtihad, grâce à ton endurance, grâce à ton écoute, à ta compréhension. Il y a une forme de science que Allah te donne. Hiba, minha min Allah Azza wa Jal. Il y a une forme de science que Allah te donne. Donc, tu ne peux pas arriver à cette deuxième forme de science qu'avec l'aide d'Allah Azza wa Jal. C'est lui qui t'aide à y arriver. La meilleure des sciences, c'est quoi? C'est le Coran. La meilleure des sciences, c'est le Coran. Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans un hadith, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui apprend le Coran et qui l'apprend. خيركم من تعلم القرآن وعلمه فالقرآن هو النور الذي يجب على كل مسلم أن يتبعه c'est la lumière que chacun d'entre nous doit suivre et subhanallah comme il disait sahib sir Hudhayf ibn Yaman رضي الله عنه il faisait quoi il prenait le Coran Il le mettait contre son sadr, il le mettait contre lui, contre son torse, il le prenait avec les deux mains, il le serrait contre lui, et il disait quoi? Il disait, c'est le livre d'Allah, Azza wa Jal. Il disait, Hada kalamu Rabbi. Il glorifiait la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc, il a Hada. ننتهي إن شاء الله نستمر في الحصة المقبلة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته